condamné sur drapeau étoilé. Mister George éjacule au nom de la patrie. Pour des noces barbares, il a rendu ses guerriers. Les enfants vont crever au nom de la connerie. Aux anards de service qui me coûtent la gerbe, à ces nationalistes qui flinguent pour exister, aux artistes à la mode, aux autres qui s'y croient, à toi qui jospinise, à toi qui chiracule, au trou du cul qui clame que c'était mieux avant, à l'empathé qui gueule, c'est beaucoup mieux ailleurs, aux fascistes en connard, à la langue hitlérienne, au racisme ringard qui hante les cervelles. Je vomis ma tristesse et je leur pisse au cul. Je vomis mon venin et je dis mort au con. Je vomis mes entrailles et la justice avec. Je vomis mes entrailles et la justice avec. De préfet à tous les assassins, aux enculés mondains d'une France le péniste, aux curés pédophiles et à leur mère l'église, aux sectes de la mort, aux crimes légalisés, à monsieur le président qui crèche à l'Élysée, aux autres dictateurs et à tous les drapeaux, à la princesse des bœufs, à ceux qui vont gratter, aux joueurs à tête d'œuf et à tous les blaireaux, à la télé-poubelle des stars légumisées, à toutes les religions, à tous les culs bénis, à Dieu le premier ministre, aux voyous députés, à tous les enfants de pute et les enfants de Marie. Je vomis ma tristesse et je leur pisse au cul. Je vomis mon venin et je dis mort aux cons. Je vomis mes entrailles et la justice avec. Je vomis mes entrailles et la justice avec.